Hey, ah, c'est bon. Je veux un ami. Bon, y a pas de couplet, c'est pas grave, on est sur un refrain, c'est pas grave. On va faire. Je fais une adaptation. 1, 2, 3, 4. J'avais un ami, mais il est parti. Ce sont ça ma vie, il n'est plus en vie. Il m'a tout donné, puis s'est effacé, sans me déranger. Et je crois, j'ai pleuré. J'avais une amie, maintenant c'est fini. Un sens à ma vie, mais je n'ai plus envie. Et j'ai tout donné, j'ai tout dépensé pour ce souvenir éveillé. Plus un rond, l'air d'un con, envie de me cacher. Je voudrais bien essayer, je voudrais bien continuer. Un moment, un instant, j'ai cru oublier. En parlant, en marchant, à Paris, à minuit, tout près d'ici. Quelques mots perdus dans la nuit, quelques mots qui traînent à minuit, quelques mots qui cognent au cœur de la nuit. Mais la nuit ne peut pas entendre, non, la nuit ne peut pas comprendre. C'est à croire que la nuit n'a pas le cœur. Quelques mots perdus dans la nuit, quelques mots qui traînent à minuit, quelques mots qui cognent au cœur de la nuit. Mais la nuit ne peut pas entendre, non, la nuit ne peut pas comprendre. Que la nuit n'a pas le cœur, c'est à croire. Que la nuit n'a pas le cœur, c'est à croire. Non, que la nuit n'a pas le cœur. chaque mot qui cogne au cœur de la nuit. La nuit n'a pas de cœur. Putain.